Pendant un moment, on dit merci pour l'œuvre de la croix, pour ce qu'il a fait pour toi et pour ta vie. Merci parce que les voix s'élèvent. Merci Jésus. Si quand on t'a ton laïon, on a pas quoi le lot. Tout le monde au salifon à bisous. Bétalo mon lolo, mon lolo. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? La cato la conto ya lo vivo di pai di ano namba di sota. La chola na monge ama ya como Jesu. Na si mama na oi ale kilo. Merci. Oh. seko. Quand on a un serment pour un cirque manifestant, on a mololo, mololo. Est-ce que tu peux acclamer très fort, très fort? Et pouvons pousser des cris de joie. Beta Milolo, ya merci. Ma beaucoup reconnaissance. Ya motamo libola mwanzambe. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Alors, voisin Oyaza sincère, Kalia Kingouba, il m'a l'obaté à tout le monde. Yo, tes voisins à Oyaza sincère. Oh, ton bolité, ça, oh, elle va être. Au moins, quand ton bolité, il n'aime Kalia Kingouba, c'est un banzembo. Et ça, banzembo, ni. Est-ce que banzembo, oh, ça, Gaël, ça? Et ça, banzembo, Gaël, ni on se trouve.